se sert de ses larmes pour coller la lame brisée. Rien de bien important à se laisser peu à peu glisser. Presque à genoux, sans pour autant perdre la tête, c'est tout. Des feuilles sous le vent refusent tout combat, dis donc que tu es. Ce ne sont pas les cris qui étouffe le trépas, à quoi bon lutter? C'est dame nature qui veut être exaucée, sans pour autant perdre la tête, c'est tout. Elle m'a abandonné au vent qui pleure, des couleurs magnifiques, tragiques et automnales. Cruelle, abandonnée au vent qui pleure, sous les couleurs d'un lendemain qui s'enfuit. Les gorges alors fusent et le sel sincère bien mis à mal. Le vieil arbre bleu ricane de sa propre blessure qui se veut plus profond. Il n'y a rien de rebelle que ses mèches et ses rires. Il n'y a rien de rebelle en ce monde. Parce qu'elle est abandonnée au vent qui pleure, sous des couleurs magnifiques, tragiques et automnales. Elle abandonnée au vent qui pleure, sous les couleurs d'un lendemain qui des luttes sans haine, sans larmes. Il existe des luttes sans haine et sans larmes. Juste un doux manteau, juste un doux manteau. Voilà tout.